Monsieur Maxime est là qui attend madame. Car ma femme de chambre, Blandine, dit à présent « Monsieur Maxime », tendrement, comme si elle parlait de son nourrisson. Il est là. Je me jette dans ma chambre et m'y enferme, qu'il ne voit pas mon visage. Vite, la poudre de riz, le col, le bâton de raisin. Oh là, sous l'œil, ce sillon nacré, attendri. Tu as vieilli. Sotte, qui t'en va pleurer comme une petite fille. N'as-tu pas appris à souffrir à sec? Où est le temps de mes pleurs étincelants, roulant sans le mouiller sur le velours de ma joue? Pour reconquérir mon mari, j'ai su, autrefois, me parer de mes larmes, lorsque je pleurais vers lui, le visage levé, les yeux grands ouverts, et secouant sans les essuyer les lentes perles qui me faisaient plus belle. Pauvre que je suis. Enfin, vous voilà, ma chérie, ma parfumée, mon appétissante, ma... Mon Dieu, que vous êtes bête! Oh oui, soupire mon ami, avec une conviction extasiée. Il se livre à son jeu favori, qui est de m'enlever dans ses bras jusqu'à toucher le plafond, et il m'embrasse sur les joues, sur le menton, sur les oreilles, sur la bouche. Je me débats, assez pour qu'il soit obligé de montrer sa force. Notre lutte finit à son avantage et il me fait basculer complètement sur son bras, tête en bas et pieds en l'air, jusqu'à ce que je crie « Au secours !» et qu'elle me remette debout. La chienne se précipite pour me défendre, et le jeu rude, qui me plaît, se mêle d'aboiements enroués, de cris et de rires. Oh que c'est bon, cette stupidité saine, le gai camarade que j'ai là, insoucieux de paraître spirituel, comme de déranger sa cravate. Qu'il fait tiède, ici. Et comme notre rire de jouteur qui s'affronte, s'échange vite en défi voluptueux. Il la dévore, son appétissante, il la savoure lentement, en gourmet. Comme tu serais bonne à manger, ma chérie. Ta bouche est sucrée, mais tes bras, quand je les mords, sont salés, un tout petit peu. Et ton épaule et tes genoux, j'en suis sûre tu es salée, de la tête aux pieds, comme une coquille fraîche, dis. Vous ne le saurez que trop tôt, grand serin. Car je l'appelle encore grand serin, mais... avec un autre accent. Quand? Ce soir? C'est jeudi, aujourd'hui, n'est-ce pas? Je le crois, oui. Pourquoi? Jeudi, c'est un très bon jour. Il dit des choses bêtes, très heureux, renversé entre des coussins écroulés. Une mèche de cheveux lui barre l'œil. Il a ses yeux vagues de grandes crises de désir et entr'ouvre la bouche pour respirer. Un beau gars de campagne. Un bûcheron qui sieste sur l'herbe, voilà ce qu'il redevient, non pour me déplaire, à chaque attitude abandonnée. Levez-vous, Max, nous avons à causer sérieusement. Je ne veux pas qu'on me fasse de la peine, soupire-t-il plaintivement. Max, voyons. Non, je sais ce que ça veut dire, causer sérieusement. C'est le mot de maman chaque fois qu'elle veut parler affaires, argent ou mariage. Il s'enfonce dans les coussins et ferme les yeux. Ce n'est pas la première fois qu'il montre cette frivolité obstinée. Max, vous vous souvenez que je pars le 5 avril? Il entr'ouvre ses paupières aux cils féminins et me flatte d'un long regard. Vous partez, chérie? Qui donc a décidé ça? Salomon, impresario et moi. Bon, mais je n'ai pas encore donné mon consentement. Enfin, soit, vous partez. Eh bien, vous partez avec moi? « Avec vous ? » dis-je effaré. « Vous ne savez donc pas ce que c'est qu'une tournée ?»« Si, c'est le voyage, avec moi. » Je répète, « Avec vous ? Pendant 45 jours, vous n'avez donc rien à faire ?»« Oh si, depuis que je vous connais, je n'ai pas une minute à moi, René. » C'est gentiment répondu, mais je contemple, déconcerté, cet homme qui n'a rien à faire, qui trouve de l'argent dans sa poche à toute heure. Il n'a rien à faire, c'est vrai, je n'y avais jamais songé. Il n'a pas de métier, aucune sinécure ne déguise sa liberté d'oisif. Comme c'est étrange, je n'avais pas connu avant lui d'homme inoccupé. Il peut se donner tout entier, jour et nuit, à l'amour, comme une grue. Cette idée baroque que, de nous deux, c'est lui la courtisane, me cause une brusque gaieté, et ses sourcils susceptibles se rapprochent. Qu'est-ce que c'est? Tu ris? Tu ne partiras pas. Voyez-vous ça? Et mon dédit? Je le paye. Et le dédit de Brague? Et celui du vieux troglodyte? Je les paye. Même si c'est une plaisanterie, elle ne me plaît qu'à demi. Puis-je encore douter que nous nous aimons? Nous voici au bord de la première querelle. Je me trompais, car voici mon ami près de moi, presque à mes pieds. Ma Renée, vous ferez ce que vous voudrez, vous le savez bien. Mais il a posé sa main sur mon front et ses yeux s'attachent aux miens pour y lire l'obéissance. Ce que je voudrais? Hélas, pour l'instant, je ne veux que lui. C'est encore l'emprise que vous allez jouer en tournée? Nous emportons la dryade aussi. Oh, que vous avez une belle cravate violette. Elle vous fait tout jaune. Laissez ma cravate. L'emprise, la dryade, tout ça, ce sont des prétextes pour montrer vos belles jambes et le reste. Plaignez-vous-en. N'est-ce pas sur les planches que ce reste eut l'honneur de vous être présenté? Il me serre contre lui, à me faire mal. Taisez-vous, je me souviens. Tous les soirs, pendant 5 jours, je me suis dit des choses pénibles et chaque fois définitives. Je me trouvais stupide de venir à l'Ampkliche, comme tu dis. Et quand tu sortais de scène, je m'en allais en m'injuriant. Et puis le lendemain, je transigeais lâchement. C'est bien le dernier soir qu'on me verra dans cette boîte. Mais je voudrais être sûre de la nuance des yeux de René Néré. Et puis hier, je n'ai pas pu arriver au commencement. Enfin, j'étais déjà idiot. Déjà idiot? Vous avez l'euphémisme savoureux, Max. Ça me semble si étrange qu'on puisse s'éprendre d'une femme rien qu'en la regardant. Ça dépend de la femme qu'on regarde. Vous ne connaissez rien à ces choses, René Néré. Figure-toi, j'ai passé 1 heure au moins, après t'avoir vu mimer l'emprise pour la première fois, à crayonner le schéma de ton visage. J'y ai réussi, et j'ai répété je ne sais combien de fois, dans les marges d'un livre, un petit dessin géométrique lisible pour moi seul. Il y avait aussi dans ta pantomime une minute où tu m'emplissais d'une joie insupportable. C'est quand tu lisais, assise sur la table, la lettre menaçante de l'homme que tu trompais, tu sais? Tu te claquais la cuisse en te renversant de rire, et on entendait que ta cuisse était nue sous ta robe mince. Tu faisais le geste, robustement, en jeune poissarde, mais ton visage brûlait d'une méchanceté si aiguë et si fine, si supérieure à ton corps accessible, tu te rappelles? Oui, oui, comme ça. Brague était content de moi, à cette scène-là. Mais ça, Max, c'est de l'admiration, du désir. Ça s'est changé en amour depuis? Il me regarde très surpris. Changé? Je n'y ai jamais songé. Je vous aimais, sans doute, dès cette heure-là. Il y a beaucoup de femmes plus belles que vous, mais... Il exprime d'un mouvement de main tout ce qu'il y a d'incompréhensible, d'irrémédiable dans l'amour. Max, si vous étiez tombé, pourtant, au lieu d'une bonne petite bourgeoise comme moi, sur une rosse habile et froide et méchante comme la teigne, cette crainte-là ne vous a pas retenu? Elle ne m'est pas venue, dit-il en riant. Quelle drôle d'idée. On ne pense pas à tant de choses quand on aime. Voyons. Il y a de ces mots qui me châtient, moi qui pense à tant de choses. « Petite, murmure-t-il, pourquoi fais-tu du café-concert ? » « Grand serin, pourquoi ne faites-vous pas de l'ébénisterie ? Ne me répondez pas que vous avez le moyen de vivre autrement, je le sais. Mais moi, que voulez-vous que je fasse ? De la couture ? De la dactylographie ? Ou le trottoir ? Le music-hall, c'est le métier de ceux qui n'en ont appris aucun. » Mais... J'entends à sa voix qu'il va dire quelque chose de grave et d'embarrassant. Je relève ma tête qui reposait sur son épaule et j'observe attentivement ce visage au nez droit et dur, les farouches sourcils qui abritent les yeux tendres, la moustache drue où se cache une bouche aux lèvres habiles. Mais chérie, vous n'avez plus besoin de music hall puisque je suis là et que... Chut! Je le presse de se taire. Agité, presque effrayé. Oui, il est là, prêt à toutes les générosités, mais cela ne me concerne pas. Je ne veux pas que cela me concerne. Je ne parviens pas à tirer, du fait que mon ami est riche, une conclusion personnelle. Je n'arrive pas à lui ménager dans mon avenir la place qu'il ambitionne. Cela viendra, sans doute. Je m'y habituerai. Je ne demande pas mieux que de mêler ma bouche à la sienne et d'éprouver par avance que je lui appartiens. Et je ne puis associer sa vie à ma vie. S'il m'annonçait « je me marie », il me semble que je lui répondrais poliment toutes mes félicitations, en pensant au fond de moi « cela ne me regarde pas ». Et pourtant, je n'aimais guère, il y a 15 jours, qu'il détailla avec tant de complaisance la petite Jadin. Complications sentimentales, chichi, coupage de cheveux en 4, soliloque psychologique, Dieu, que je suis ridicule. Est-ce qu'au fond ce ne serait pas plus honnête et plus digne d'une amoureuse de lui répondre « mais oui, tu es là, puisqu'on s'aime, c'est à toi que je demande tout, c'est si simple. Si je t'aime vraiment, tu me dois tout, et le pain impur est celui qui ne me vient pas de ta main. » C'est très bien ce que je pense là. Je devrais lui dire tout haut, au lieu de me taire câlinement, en frottant ma joue contre la joue rasée de mon amie, qui est douce à la façon d'une pierre ponce très douce.